Poutine n'a jamais dit qu'il va utiliser l'arme nucléaire. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Poutine n'a jamais dit ça. Très peu de gens le savent. Hein. Poutine n'a jamais dit qu'il va utiliser l'arme nucléaire. La doctrine nucléaire russe est connue. Ça a été réaffirmé par son vice-président du Conseil de sécurité. Ça a été réaffirmé par le président de l'Assemblée nationale de la Douma. Doctrine est claire. Docteur Vassilakalin l'a répété. Il faudrait que la Russie, l'existence de la Russie soit menacée pour que la Russie utilise l'arme nucléaire. La Russie dit, nous n'allons jamais utiliser les armes nucléaires. Même tactique contre un pays voisin. C'est clair. Mais on vous ferme les yeux, c'est celui qui a le mandat dit ça. Il y a une malade mentale qui vient d'être le premier ministre en Angleterre. C'est elle qui l'a dit. Elle a dit qu'elle est prête à l'apocalypse. Elle a dit. Afrique Média, le monde, c'est nous.